Chapitre 20. Lorsqu'elle se trouva dans l'avenue de Villiers, elle resta un moment sans savoir de quel côté tourner ses pas. Rentrée chez elle, elle n'en eut pas la pensée. Non pas qu'elle n'eût point été touchée par ce que Maraval venait de lui dire avec un accent si convaincu et si sympathique. Elle en avait été bouleversée, au contraire. Elle ne doutait point que tout cela ne fût parfaitement vrai. Mais quand les dangers qu'on venait de lui faire toucher du doigt seraient mille fois plus terribles qu'elle ne les avait vus, il ne pouvait pas l'arrêter. Elle s'abaisserait en se faisant comédienne. Eh bien, ne le savait-elle pas avant d'entendre Maraval ? Plutôt que de subir cet abaissement, elle devait se marier. En théorie, cela pouvait être vrai, mais Maraval ne connaissait pas sa situation personnelle. C'était au contraire dans le mariage qu'était pour elle l'abaissement le plus déshonorant. Il fallait qu'elle fût chanteuse. Et puisque c'était pour elle le seul moyen de ne pas laisser déshonorer la mémoire de son père et de ne pas flétrir son amour, il le fallait malgré tout et malgré tous. C'est-à-dire que pour le moment, il fallait qu'elle trouvât un maître qui la mît au plus vite en état de paraître sur un théâtre, puisque Maraval, par intérêt et par sympathie pour elle, refusait d'être ce maître. Mais où était-il, ce maître ? Debout devant la porte de Maraval, immobile, réfléchissant et ne trouvant rien, elle se sentait perdue dans ce Paris immense. La lumière sur laquelle elle avait tenu les yeux fixés et qui l'avait guidée, venant de s'éteindre tout à coup. Sa mémoire troublée ne retrouvait même plus les noms des maîtres qui, quelques jours auparavant, lui étaient vaguement connus. Cependant, elle ne pouvait pas rester immobile dans cette avenue où les passants la regardaient curieusement. Elle se mit en route vers Paris. En marchant, une bonne inspiration, une idée, se présenterait sans doute à son esprit. Elle arriva ainsi jusqu'aux environs de la Trinité, où l'enseigne à la devanture d'un cabinet de lecture lui suggérèrent enfin ce qu'elle avait à faire. Elle entra dans ce cabinet de lecture et demanda un almanach des adresses. À l'article des professeurs et compositeurs de musique, elle trouva le nom qu'elle avait vainement demandé à sa mémoire. Lozès, rue Blanche. Ce qu'elle savait de Lozès, c'était qu'il était chanteur assez médiocre, mais par contre bon professeur. Au moins jouissait-il de cette réputation. Il dirigeait une sorte de petit conservatoire où il avait pour élève une bonne partie de ceux qui ne suivent pas les cours du vrai. Il faisait souvent jouer et chanter ses élèves en public, et plusieurs de ceux qu'il avait formés avaient obtenu des succès retentissants en ces dernières années. Elle monta la rue Blanche jusqu'au numéro que l'almanach lui avait indiqué. Mais n'étant plus sous l'oppression du trouble qu'il avait saisi en sortant de chez Maraval, le sentiment des dangers qu'elle courait lui revint. Si on allait la reconnaître. Et il lui semblait que chacun de ceux qui la regardaient étaient des amis ou des employés de son oncle. Alors elle assurait d'une main fébrile le voile épais qui lui cachait le visage. L'école de Lozès était située au fond d'une cour, dans un atelier vitré qui avait servi autrefois à un photographe. Et on y arrivait de plein pied, après avoir traversé un petit vestibule, sans que personne fût dans ce vestibule pour vous recevoir ou vous annoncer. Lorsque Madeleine eut poussé la porte de ce vestibule, elle s'arrêta un moment, sans oser entrer. Au fond de l'atelier, un jeune homme à la figure énergique et de carrure athlétique chantait le grand air de Rigoletto, qu'un gros homme au teint jaune, vêtu d'une robe de chambre crasseuse et chaussé de chaussons de feutre, écoutait, assis dans un vieux fauteuil, en roulant des yeux blancs. Lozès, sans aucun doute, qui donnait une leçon, et ce n'était pas le moment de le déranger. Cependant, comme Madeleine ne pouvait pas rester immobile au milieu de l'atelier, elle regarda autour d'elle pour voir si elle ne trouverait pas une place où elle pourrait attendre sans attirer l'attention. Déjà, les gros yeux blancs de Lozès, qui s'étaient fixés sur elle à son entrée, ne l'avaient que trop intimidée. Dans un coin, formant enfoncement, elle aperçut deux vieilles femmes de tournure vulgaire et bizarrement accoutrées, assises sur des banquettes. Elle se dirigea doucement de leur côté et s'assit derrière elles. Aussitôt, elles se retournèrent, et longuement, attentivement, elles la dévisagèrent en tâchant de percer son voile. « C'est-il pour prendre une leçon de M. Lozès que vous venez ?» demanda l'une d'elles à voix basse. Madeleine, sans répondre, fit un signe affirmatif. « Pour l'heure, faut attendre, parce que cet homme, il n'aime pas être dérangé. » L'autre alors prit la parole, et son ton noble, emphatique, théâtral, contrasta singulièrement avec celui de la première vieille. Elle posa une série de questions à Madeleine, qui ne répondit que par signe, exactement comme si elle avait été muette. Heureusement pour elle, la voix de Lozès vint faire taire les vieilles. « Silence donc, dans le coin des mères » cria-t-il. « Fermez vos boîtes !» Le silence se fit aussitôt, et Madeleine, délivrée, put suivre la leçon. L'élève chantait. « Courtisan, race vile et damnée, rendez-moi ma fille infortunée. » Lozès sauta de son fauteuil. « Mais va donc » s'écria-t-il. « Va donc, de la vigueur, de l'âme. Quel pot-au-feu armué que ce garçon-là !» Et il lui allongea un vigoureux coup de poing dans le dos. L'élève recommença, avec le même calme, exactement comme s'il donnait la bénédiction au courtisan Rasseville. Lozès était resté près de lui, dans un état de violente exaspération. Tout à coup, il lui allongea deux ou trois bourrades, en l'apostrophant grossièrement. Alors cet Hercule, qui était 10 fois plus fort que ce gros bonhomme, se mit à pleurer et à beugler. « Je ne peux pas, ce n'est pas dans ma nature. Eh bien, animal, si ce n'est pas dans ta nature, va-t'en beugler avec les veaux. Un autre. » Une jeune fille sortit d'un coin et s'avança auprès du fauteuil où Lozès s'était rassis. Elle avait 15 ou 16 ans à peine, jolie, élégante et couverte de bijoux au cou, au bras, aux mains. Au moment où elle ouvrait la bouche, Lozès l'arrêta. « Dis donc, toi, je t'ai déjà fait remarquer qu'on devait m'embrasser en arrivant. Si cela ne te va pas, dis-le. » La jeune fille ne dit rien, mais s'avançant vers Lozès, qui, sans se lever, tendit son cou vers elle, elle l'embrassa sur sa joue rasée, qui de loin paraissait toute bleue. Le bruit de ce baiser fit frissonner Madeleine de la tête aux pieds, et son cœur se souleva. « Et quoi ? Elle aussi, elle devrait embrasser ce comédien ?» La pensée lui vint de se sauver au plus vite, mais la réflexion la retint. Il fallait persévérer quand même. La leçon avait commencé, mais elle n'alla pas loin. « Ce n'est pas ça !» s'écria Lozès. « Arrête et va t'asseoir sur cette chaise là-bas. Tu croiseras tes bras derrière et tu respireras fortement. Tu t'arrangeras pour que ta respiration descende sans remuer la poitrine. Un autre. » Un ténor vint remplacer la jeune fille aux bijoux, qui alla s'asseoir sur sa chaise et s'appliqua à faire descendre sa respiration. Ou bien Lozès n'était pas de bonne humeur, ou bien il avait mauvais caractère, car le jeune ténor avait à peine dit quelques mots qu'il se fâcha. « Toi, je t'ai déjà dit de choisir. Peux-tu chanter à la manière française en ouvrant la bouche en rond, ou bien à la manière italienne en l'ouvrant en large et en souriant ? Tu as une tête à sourire. « Souris donc, ça charmera les femmes. » Le ténor recommença en ouvrant si largement la bouche qu'il montra toutes ses dents. Tout en l'écoutant, Lozès surveillait la jeune fille qui avait été s'asseoir sur sa chaise. Tout à coup, il courut à elle et la fit lever. « Qu'on m'apporte un matelas » cria-t-il. Alors, prenant la jeune fille par le bras et la poussant brusquement, « Couche-toi là-dessus, » dit-il, « étale-toi tout de ton long, et en mesure, tu diras... « Do, do, do, do. » Malgré la gravité de sa situation, Madeleine ne put retenir un sourire. La leçon avait été reprise, mais bien que Madeleine voulût y apporter attention, elle fut distraite par un chuchotement de voix derrière elle. Machinalement, elle tourna la tête. Elle ne vit qu'une petite porte fermée. C'était de derrière cette porte que venait ce chuchotement, auquel se mêlait depuis quelques instants, comme un bruit de baiser étouffé. Madeleine, comme beaucoup de musiciens, avait l'ouïe d'une finesse extrême, et bien souvent elle entendait distinctement ce que d'autres ne soupçonnaient même pas. Cependant, ses chuchotements étaient si forts qu'elle fut surprise qu'ils n'éveillassent point la curiosité de ses voisines. Brusquement, l'une d'elles se leva et courut à la petite porte. « Ursule, je t'y prends encore à te faire embrasser dans les escaliers. Viens ici, petite peste, et ne me quitte plus. » Madeleine eût voulu boucher ses oreilles, comme quelques instants auparavant, elle eût voulu fermer ses yeux. Et une fois encore, elle se demanda si elle ne devait pas sortir immédiatement de cette maison, mais se raidissant contre le dégoût qui l'envahissait, elle resta. Chapitre 21. Cependant, la présence de Madeleine avait produit une certaine sensation. On avait remarqué cette jeune femme qui, par sa toilette et sa tenue, ressemblait si peu aux élèves qui venaient ordinairement chez Lozès. Et trois ou quatre jeunes gens, se rapprochant peu à peu, avaient fini par s'asseoir sur les banquettes, et ils s'étaient mis à la regarder, la toisant des pieds à la tête, l'examinant, la déshabillant, comme si elle avait été exposée là pour leur plaisir. Bien qu'elle évitât de tourner ses yeux de leur côté, elle avait senti le feu de ses regards braqués sur elle et le rouge lui était monté au visage. C'étaient ses camarades, ces jeunes gens qui marchaient, s'asseyaient, se mouchaient avec des poses scéniques, la tête de trois quarts, le poing sur l'épaule, le sourire aux lèvres, s'écoutant entre eux comme on écoute au théâtre avec des attitudes fausses. Demain, elle devrait leur donner la main et les laisser la tutoyer, puisqu'entre eux, ils se tutoyaient tous. « Bonjour, ma petite chatte. Comment vas-tu, ma vieille ?» Lozès annonça que c'était fini pour aujourd'hui. Enfin, elle allait pouvoir approcher ce maître terrible. Et tout de suite, pendant que les élèves s'empressaient joyeusement vers la porte de sortie, elle se dirigea vers le fauteuil où Lozès était resté assis. À mesure qu'elle avança, elle se sentit enveloppée par un regard curieux. Arrivée près de lui, elle le salua, et comme elle avait tout son courage, elle lui expliqua bravement ce qui l'amenait. « Je voudrais entrer au théâtre, » dit-elle d'une voix qui, malgré ses efforts, était tremblante, « et je viens vous demander vos leçons. » Il n'avait pas bougé de dessus son fauteuil. La tête renversée, il la regarda un moment sans rien dire, puis, comme s'il n'était pas satisfait de son examen, il lui fit signe de reculer de quelques pas. Alors, avec son accent méridional, « Défaites-moi un peu votre chapeau, je vous prie, et votre paletot. » Elle obéit, décidée à tout. « Bon, » dit-il, après l'avoir regardée en dodelinant de la tête avec approbation. « Pas mal, pas mal. » Et comme elle rougissait sous ce regard, qui était un outrage pour son innocence de jeune fille, « Vous savez que vous êtes jolie, n'est-ce pas ? » continua-t-il. « Vous avez le type d'Ophélia. » « Ce n'est pas mauvais, ça, et c'est rare. Marchez un peu. » Elle se mit à marcher. « Présentez votre poitrine comme un bouquet, les épaules effacées. Bien, cela va, revenez. Qu'est-ce que vous savez ?» Madeleine répéta ce qu'elle avait déjà dit à Maraval. « Oh oh, l'amateur de province, je n'ai pas confiance, » dit Lozès. « Ils sont au toc en province. Enfin, voyons, chantez-moi ce que vous voudrez. » Elle proposa l'air du Freischutz. Puisqu'elle avait réussi auprès de Maraval, Lozès ne serait pas plus difficile, sans doute. Mais Lozès refusa. « Le style, c'est moi qui vous l'enseignerai. Ce que je veux juger pour le moment, c'est votre voix. Savez-vous le Brindisi de la Traviata ?»« Oui, monsieur. »« Eh bien, allez-y alors, je vous écoute. » Et de fait, il l'écouta attentivement, le coude appuyé sur le bras de son fauteuil, et le menton posé dans sa main. « Quand voulez-vous commencer ? » demanda-t-il aussitôt qu'elle se tut. « Vous m'acceptez ? » ?»« À bras ouverts. Retenez bien ce que vous dit Lozès. Vous serez une grande artiste. »« Ah, monsieur ! » !»« Si vous travaillez, et si vous suivez mes leçons, bien entendu. Parce que vous savez, la nature sans l'art, cela ne signifie rien. »« Oui, monsieur, je travaillerai autant que vous voudrez. » « Je vous promets que vous n'aurez jamais eu d'élèves plus attentifs, plus appliqués. »« S'il en est ainsi, je vous donne ma parole qu'avant 18 mois, vous serez en état de débuter. »« Et comme débute une élève de Lozès, d'une façon splendide. »« Ces ânes du conservatoire verront un peu ce que je sais faire d'une élève qui est douée. » Le moment était venu pour Madeleine d'expliquer sa situation. et les dispositions dans lesquelles elle voyait Losès lui donnaient du courage et de l'espoir. Mais il ne la laissa pas aller jusqu'au bout. « Ah non, ma petite, » dit-il d'un ton brusque, « je ne fais pas de ces arrangements-là. Je n'ai pas le temps. Et puis pour vous, croyez-moi, c'est une mauvaise affaire. Il vaut mieux vous gêner et payer vos leçons comptant. Je vous en donnerai une par jour. C'est 500 francs par mois qu'il vous faut. Votre famille est ruinée, me disiez-vous. Eh bien, une belle fille comme vous ne doit pas être embarrassée pour trouver 500 francs par mois. » Bien que Madeleine se fût promis de tout entendre sans broncher, elle ne put pas ne pas se cacher le visage entre ses deux mains. La honte l'étouffait. Puis elle fit quelques pas pour se retirer, désespérée. Il ne bougea pas de son fauteuil, mais comme elle s'éloignait lentement parce que ses yeux troublés la guidaient mal, il la rappela tout à coup. « Voyons, ne vous en allez pas comme ça. Et tout d'abord, croyez bien que je suis fâchée de ne pas vous donner des leçons. Je sens qu'on peut faire quelque chose avec vous. Aussi, je veux vous aider. Cela vous coûtera peut-être cher, très cher même. Jamais trop cher, je suis prête à tous les sacrifices. Ce que je ne peux pas faire pour vous, un autre peut-être le fera. Si nous étions en Italie, poursuivit Losès, rien ne serait plus facile. Il y a là des gens toujours disposés à se faire les entrepreneurs d'un jeune homme ou d'une jeune fille ayant une belle voix. Et ce ne sont pas des artistes, comme vous pourriez le croire. Le plus souvent, ce sont des artisans, des menuisiers, des boutiquiers, n'importe qui. Ils ont un petit capital et ils l'emploient à l'exploitation de celui ou de celle qu'ils ont découvert. Pour cela, ils traitent soit avec les parents, soit avec le sujet lui-même. C'est-à-dire qu'ils l'achètent pour un certain temps. Pendant les premières années, ils lui donnent le logement, la nourriture, l'habillement et surtout l'éducation musicale. Et en échange, le jeune homme ou la jeune fille abandonne à son maître ce qu'il gagne, ou plus justement partie de ce qu'il gagne, lorsqu'il commence à gagner quelque chose. Mais nous ne sommes pas en Italie, me direz-vous. C'est juste. Seulement il y a des Italiens à Paris. Précisément, j'en connais un qui, après avoir fait ce métier pendant sa jeunesse, s'est fixé à Paris en ces derniers temps et a ouvert, rue de Châteaudun, une boutique de bric-à-brac, de curiosités, de meubles italiens. Je l'irai voir. Je lui dirai ce que je pense de votre voix et de vos dispositions. Puis je lui demanderai s'il veut se charger de vous. Mais avant que je fasse cette démarche, il faut que vous me disiez si vous, de votre côté, vous êtes disposé à accepter la direction de mon homme ainsi que les conditions qu'il vous imposera. Avec reconnaissance et de tout cœur. N'allez pas si vite et surtout ne vous emballez pas avec Schatziga. C'est mon italien. Défendez vos intérêts puisque vous êtes orpheline et que vous n'avez personne pour vous protéger. C'est un avertissement que je vous donne. Je connais le Schatziga. Il sera âpre. Vous, de votre côté, soyez ferme et ne lui cédez pas tout ce qu'il vous demandera. Accordez-lui seulement la moitié de ses exigences et ce sera déjà beaucoup. Bien entendu, n'allez pas lui dire cela. Je ne veux pas paraître dans toute cette affaire et c'est pour cela qu'à l'avance, je vous préviens. Plus tard, je veux que vous vous souveniez de Losès avec reconnaissance. On vous dira peut-être bien des choses de lui. Vous répondrez alors « Voilà ce qu'il a fait pour moi. » L'impression première produite par Losès s'était un peu effacée. Il pouvait être brutal, vaniteux, ridicule. Mais au fond, ce n'était pas certainement un méchant homme. Cette pensée fut un grand soulagement pour Madeleine. Elle pourrait honorer celui qui lui tendait la main. « Encore un mot, » dit Losès. « Je vous ai expliqué que notre homme se chargerait de pourvoir à tous vos besoins. C'est beaucoup, mais ce n'est pas tout. Vous êtes seul. Que ferez-vous le jour où vous aborderez le théâtre? Rien, n'est-ce pas? Vous laisserez les choses aller. Eh bien, en agissant ainsi, elle n'irait pas. Il vous faut quelqu'un d'actif, d'intelligent, d'intrigant pour arranger vos engagements, pour préparer vos succès, pour gagner ou éclairer la critique qui ne voit que ce qu'elle a intérêt à voir ou que ce qu'on lui montre. Schatziga sera ce quelqu'un, et grâce à lui, le succès vous arrivera agréable et appétissant, comme un poulet bien rôti arrive sur la table de ceux qui ont un bon cuisinier, sans qu'ils aient senti l'odeur de la cuisine. C'est quelque chose, cela, en un temps comme le nôtre, qui n'est que de réclame. Où voulez-vous que je vous envoie notre Italien ? Elle rougit et balbutia en pensant à sa misérable mansarde. Est-ce que vous n'êtes pas seul comme vous me le disiez ? Demanda Lozès, remarquant son embarras. « Oh, monsieur ! » s'écria-t-elle avec confusion. « Enfin, vous demeurez quelque part, sans doute. »« Oui, cité des fleurs, à Batignolles. Mais si monsieur Schadziga vient dans ma pauvre chambre, il sera, je le crains, mal disposé à m'accorder les conditions que vous me conseillez d'exiger. »« Ah, je n'avais pas pensé à cela, ma pauvre enfant. Il vaut mieux qu'il vous voie ici, alors. Je lui donnerai rendez-vous. Revenez après-demain à 4 heures. » « Oh, monsieur, combien je suis touchée de votre bonté !»« Vous verrez, ma petite, que bonté et talent sont synonymes. Tout se tient en ce monde. Un homme qui a un grand talent est toujours bon. » Chapitre 22. Le surlendemain, à 3h45, elle entra chez Lozès, qu'elle trouva seule dans l'atelier. Schadziga n'était pas encore arrivé. « J'ai vu notre homme, » dit Lozès. « Il va venir. Seulement il est possible qu'il se fasse attendre. C'est une malice italienne qui a pour but de ne pas montrer trop d'empressement. Il est probable qu'il amènera quelqu'un avec lui, car il n'a pas toute confiance en moi. Et avant de s'engager, il aime mieux 2 avis qu'un seul. » « Surpassez-vous donc et faites bien attention qu'on vous demande aujourd'hui plus de voix que de goût ou de savoir. Pour Schadziga, il s'agit de juger si votre voix emplira l'opéra, la Scala ou Covent Garden. N'ayez pas peur de crier. » Ce fut à 4h20 seulement que Schadziga, suivi d'un vieux petit bonhomme ratatiné, fit son entrée dans l'atelier de Lozès. Pour lui, c'était un homme de 50 à 55 ans, gras, gros, souriant, ayant en tout la tournure et la figure d'un cuistre, doucereux, mielleux, obséquieux. Madeleine, qui malgré son émotion l'observait anxieusement, éprouva à sa vue un mouvement répulsif. Et cependant, il s'avançait vers elle en souriant, ne la quittant des yeux que pour admirer un gros brillant qu'il portait à son doigt. Arrivé près d'elle, il la salua avec des grâces de théâtre, les bras arrondis, le dos voûté, marchant en rond comme les comédiens qui veulent remplir la scène. « La signora, n'est-ce pas ? » dit-il avec un très fort accent italien en s'adressant à Lozès. « Apparemment. » Alors, tirant un face à main en or et le braquant sur Madeleine, il se mit à tourner autour d'elle. « Charmante, charmante, » disait-il à chaque pas, en souriant à son acolyte. « Figure expressive, avec de la nobilité, belle taille, ce velours splendide. » Les marchands d'esclaves ou des maquignons n'eussent pas passé un examen plus attentif de la marchandise qu'ils se proposaient d'acheter. Jamais Madeleine n'avait ressenti une pareille humiliation. Elle était pourpre de honte. « Et la signora nous fera la grâce de nous chanter un morceau ?» Cette parole lui fut une délivrance. Chanter, elle était là pour chanter. Elle échapperait ainsi à cet examen de sa personne. « Mon cher ami, les maestros Maffeo, » continua Schadziga, « voudra bien accompagner la signora. » Pendant que Madeleine se dirigeait vers le piano, Lozès s'approcha d'elle et lui parlant à voix basse, « Chantez de votre mieux, il est inutile de crier. C'est Maffeo qui va vous juger. Il a été dans son temps un de nos meilleurs chefs d'orchestre. » Madeleine se sentit plus forte, chantant pour Maffeo et Lozès. Elle chanterait avec confiance. Parmi les morceaux qu'elle indiqua, Maffeo en choisit 3 de styles différents qui pouvaient la faire juger. Elle les chanta de son mieux, ainsi que Lozès le lui avait recommandé. Schadziga écouta, sans donner le moindre signe d'approbation ou de blâme. Seul, Lozès applaudit des mains et de la voix. « Si, si, » dit Schadziga, « que ce n'est pas mal, grazia. » Quant à Maffeo, son attitude était étrange. Il semblait qu'il voulût applaudir et qu'il n'osa pas. Lorsque Madeleine eut achevé son 3e morceau, elle crut que Schadziga allait dire s'il acceptait ou s'il la refusait. Mais il n'en fut rien. « Qu'il est nécessaire que je cause avec mon cher ami Maffeo, » dit-il. Pour cela, je prie la signora de venir demain matin, rue Châteaudun, avec son tuteur. Je n'ai pas de tuteur. Vous avez plus de 21 ans? Je suis émancipé. Ah, diavolo, perfetto! Et un sourire de satisfaction fendit sa large bouche jusqu'aux oreilles. Évidemment, cela faisait son affaire. Qu'est-ce que pense que la signora voudra bien nous faire les plaisirs de dézouner avec nous à 11 heures? Nous causerons avant. Elle n'avait plus qu'à remercier et à se retirer, ce qu'elle fit. Lozès la reconduisit jusqu'au vestibule, tandis que Maffeo et Chadziga s'entretenaient à voix basse. « Ne vous inquiétez pas, lui dit-il, l'affaire est conclue. Tâchez de vous défendre demain. À bientôt, ma chère élève. » Naturellement, elle fut exacte, et à 11 heures précises, le lendemain, elle entrait dans le magasin de bric-à-brac de la rue de Châteaudun. Elle y trouva une grande femme, enveloppée dans un châle des Indes usé, et la tête couverte d'un fichu de dentelle noire. Elle pouvait avoir 50 ans environ, et d'une ancienne beauté dont on voyait encore des traces, il lui restait un air de grandeur et de noblesse qui n'est point ordinairement le caractère distinctif des marchandes à la toilette. Mais avant d'être marchande, Misé Chatiga avait été chanteuse, et au milieu de sa boutique, drapée dans son vieux cachemire, elle était toujours Norma ou Donna Anna. Sans quitter le fauteuil dans lequel elle était posée, elle répondit à Madeleine que M. Chadziga l'attendait dans une pièce qu'elle lui indiqua d'un geste sculptural. Il était assis devant une table, avec une liasse de papier devant lui, en train d'écrire sur une feuille timbrée. L'entassement des meubles, bahuts, chaises, fauteuils, casiers, était tel que Madeleine ne put que difficilement arriver à cette table. « J'ai travail pour vous, signora. » dit Chadziga. Les petits engagements que je prépare et qui les ouste que vous signez, si nous sommes d'accord. L'ami Maffeo pense que vous avez des dispositions, mais il vous faudra des leçons, des études, toutes choses qui coûtent très cher. On ne sait pas combien les maestros Lozès s'est fait payer cher. C'est une ruine. Sa figure prit une expression désolée en pensant aux exigences de Lozès. De plus, pour une personne comme vous, Zoli, il faut de la toilette, il faut un logement, une bonne nourriture. C'est très utile, la bonne nourriture. Tout cela fait une grosse somme de dépenses, et pendant plusieurs années. Il est donc juste qu'ils rentrent dans ses avances et qu'ils fassent un bénéfice. Est-ce juste? Très juste. En santé que vous compreniez qu'ils suivent l'homme de la justice et aussi l'ami des artistes. Les restes entre nous va maintenant aller tout facilement. Jusqu'au jour où vous aurez un engagement, je payerai toutes vos dépenses. Laissons, toilettes, nourriture, plaisir, et très largement. Si vous me connaissiez, vous sauriez combien je suis large. C'est justement pour cela que je ne suis pas riche. Vous, de votre côté, quand vous aurez un engagement, nous en partagerons les montants. Prévenu par Lozès, Madeleine attendait cette proposition et elle avait préparé sa réponse. Pendant combien de temps? Justement, c'est la question à débattre. Il me semble net d'émettre 10 ans. En supposant que je gagne 40 000 francs par an, c'est donc 200 000 francs que vous toucherez. 40 000 francs par an? Mettons 10 000, c'est donc 50 000 que je toucherai. Mais pour cela, il faut que vous réussissiez. Il faut que vous viviez. Et si vous mourrez, où est-ce que je retrouverai ce qu'ils auraient déboursé? Il faut calculer le risque, signora. N'est-ce pas juste? Du moment qu'une discussion s'engageait, Madeleine à l'avance était vaincue. Entre elle et ce boutiquier retors, la partie n'était pas égale. Et puis d'ailleurs, elle avait cette faiblesse de trouver les discussions d'intérêt humiliantes. Cependant, se renfermant dans ce que Lozès lui avait conseillé, elle obtint que les 10 années de partage seraient réduites à 5. Mais Chadziga ne céda sur ce point que pour prendre avantage sur un autre. Tant que Madeleine serait au théâtre, elle lui abandonnerait 10% sur ses appointements. Et si elle quittait le théâtre avant 10 années, comptée du jour de son début, pour une cause autre que maladie grave ou perte de voix, elle payerait à Chadziga une somme de 200 000 francs. Bien qu'elle fût incapable de soutenir une discussion, elle voulut se défendre, mais elle ne tarda pas à être enlacée par l'Italien qui l'assassina de son baragouin, et de guerre lasse, elle finit par signer les petits engagements qu'il avait préparés. « Maintenant, » dit Schadziga, lorsqu'il eut donné un double de l'engagement et qu'il eut serré l'autre, « nous avons encore une petite chose à arranger. Qu'est-ce relativement à votre vie avec nous? Ça ne s'écrit pas parce que nous sommes des gens d'honneur, mais ça s'est dit. Vous êtes orpheline, vous n'avez pas des parents. Alors je voudrais que vous viviez avec nous, dans notre maison, dans notre famille. Pour bien travailler, voyez-vous, il faut de la vertu. C'est la vertu qui conserve la voix et aussi la taille des unes personnes quand elles sont jolies comme vous. » Et comme si ces paroles n'étaient pas assez claires, il les expliqua et les précisa par un geste arrondi qui empourpra les joues de Madeleine. « C'est nous, dans notre intérieur, vous serez protégés contre tous les dangers, toutes les séductions qui à Paris entourent une jeune fille. Madame Schadziga, qui est l'honneur même, vous accompagnera partout, aux leçons, à la promenade. Vous l'oserez, c'est nous, sous notre clé. Vous mangerez avec nous. Vous serez notre fille. Et je vous assure, signora, qu'il faut que j'aie une bien grande sympathie pour vous, car en agissant ainsi, j'ai vous introduit entière dans notre intérieur. Et je puis le dire, Madame Schadziga et moi, nous nous adorons. Mais nous ferons cela, certainement nous les ferons, pour une personne aussi bien élevée que vous. Cela vous convient-il? » Madeleine avait signé tout, ou à peu près tout, ce que Schadziga lui avait imposé. Mais cette vie de famille, cette existence entre monsieur et madame Schadziga, était la dernière goutte, la plus amère et la plus écœurante du calice. Elle eut un mouvement de dégoût qui la fit frissonner des pieds à la tête. Mais la réflexion lui dit qu'elle devait se résigner à accepter ce dégoût comme tant d'autres. Elle n'en était plus à les compter. Après tout, la présence de madame Schadziga la préserverait de bien des ennuis. « Eh bien, » dit Schadziga en insistant. Ne pouvant pas répondre, elle fit un signe d'acquiescement. « Allons, c'est parfait, » dit-il. « Maintenant, il faut que je vous montre votre chambre. Pendant ce temps, on servira la table. Voulez-vous m'accompagner ?» Ils sortirent dans la cour de la maison et, prenant un escalier au fond, ils montèrent au 6e étage. « Un étage encore, » disait-il. « Mais l'escalier est doux. » La chambre destinée à Madeleine était une sorte de grenier encombré de meubles de toutes sortes. « Vous voyez, » dit Schadziga, « vous aurez de l'air et de la lumière. Avec une bonne piano, vous serez ici comme une reine. Vous pourrez travailler tout matin au soir sans être dérangé. Demain, je ferai prendre vos meubles chez vous. » Quand ils redescendirent, le déjeuner était servi sur une toile cirée. Déjà assise à sa place, madame Schadziga, qui n'avait quitté ni son cachemire ni son fichu de dentelle, désigna une chaise à Madeleine avec un geste de reine de théâtre. « Entre nous deux, » dit-elle en souriant à son mari. Et Madeleine s'assit, mais il lui fut impossible de manger tant sa gorge était serrée. C'était là sa nouvelle famille. C'était avec ces gens qu'elle allait vivre, de leur vie. Et regardant machinalement la carafe pleine d'eau, elle vit se dessiner sur le verre leur petite maison de Rouen où s'était écoulée son enfance, comme au jour où, sous les rayons du soleil couchant, elle se reflétait dans la Seine. Chapitre 23. Le jour même où Madeleine signait avec Schadziga un petit engagement, Léon arrivait de Madrid à Paris. En recevant la lettre de Madeleine, il avait couru au télégraphe et il avait envoyé à sa cousine une dépêche avec la mention personnelle sur l'adresse « N'accomplis pas ta résolution avant de m'avoir vue. Je pars à l'instant pour Paris, où j'arriverai après-demain matin. » Mais malgré la mention personnelle, cette dépêche n'avait pas été remise à Madeleine, qui avait quitté la maison de la rue de Rivoli depuis 2 jours quand le facteur du télégraphe s'était présenté. Avant même d'entrer chez lui, Léon monta rapidement à l'appartement de son père. Personne n'était encore levé, mais la façon dont il sonna réveilla tout le monde et un domestique vint lui ouvrir la porte. C'était le vieux valet de chambre qui, depuis 30 ans, était au service de ses parents. « Mademoiselle Madeleine ?» demanda vivement Léon. Sans répondre, le valet de chambre leva ses bras au ciel. « Réponds donc, mon vieux Jacques. » « Elle est partie. » « Où ?» « On ne sait pas. C'est-à-dire que mardi matin, au moment où il n'y avait personne dans la maison, elle a été chercher un commissionnaire et une voiture. Elle a fait porter ses bagages sur cette voiture par le commissionnaire et elle est partie. Le concierge l'a vu passer et il était bien étonné. Mais qu'est-ce qu'il pouvait, cet homme ?» Mais, et depuis ? On a cherché Mademoiselle Madeleine partout. On l'a fait chercher par la police. Et on ne l'a pas trouvée. Conduis-moi à la chambre de mon père. Monsieur dort. Je vais le réveiller. Éclaire-moi. L'idée de réveiller Monsieur Haut-Poix d'Aguillon parut si invraisemblable à Jacques, qui vivait dans la crainte et dans le respect de son puissant maître, qu'il resta immobile. Sans insister, Léon lui prit la lumière des mains et se dirigea vers la chambre de son père. Celui-ci avait été réveillé par le carillon de la sonnette, et quand Léon entra dans sa chambre, il le trouva assis sur son lit, coiffé d'un foulard de soie cerise, noué à l'espagnol autour de sa tête, très noblement. « Toi ? » s'écria M. Haut-Poix. « Quelle nouvelle de Madeleine ?» M. Haut-Poix fut suffoqué par cette demande. « C'est ainsi que tu me dis bonjour et que tu t'inquiètes de la santé de ta mère ? Pardonne-moi, mais ce que Jacques vient de m'apprendre m'a bouleversé. Madeleine partit sans qu'on sache où elle est, ce qu'elle est devenue. Madeleine est une ingrate. Vous vouliez la marier ? Qui t'a dit ? Elle m'a écrit. Ah, vous étiez en correspondance ? Cette lettre a été la première que j'ai reçue d'elle depuis mon séjour à Madrid. C'est trop d'une. Enfin, où est-elle ? Dans le premier moment d'inquiétude, et malgré le scandale de sa conduite, nous avons eu la bonté de la faire chercher. Nous avons même prévenu la police. Tout ce qu'on a pu découvrir, ça a été un indice. Le commissionnaire qui a porté ses bagages l'a entendu donner au cocher l'adresse de la gare Saint-Lazare. Mais ce cocher n'a point été retrouvé. Concluant de ce renseignement qu'elle aurait dû aller à Rouen, j'ai fait prendre des renseignements à Rouen. On ne l'y a point vue, et il paraît même à peu près certain qu'elle n'y est point venue. Dans les hôtels de Paris, dans les maisons meublées, les recherches n'ont point abouti, bien qu'elles aient été dirigées par une main habile. Eh bien, je les ferai aboutir, moi. Tu n'as pas l'intention de nous ramener Madeleine chez nous, n'est-ce pas ? Nous ne la recevrions pas. Tu lui fermerais ta maison ? Quoi qu'il arrive, jamais elle ne rentrera ici. Quand tu m'as demandé de partir pour Madrid, j'ai cédé à ton désir, qui, tu le sais, n'était pas d'accord avec le mien. Je l'ai fait pour toi et pour ma mère. Mais je l'ai fait aussi pour Madeleine, afin qu'elle pût rester dans cette maison, près de vous qui l'aimeriez et la consoleriez. Puisque tu posais la question de telle sorte qu'elle ou moi devions partir, je n'ai pas voulu que ce fût elle, et je me suis exilé à Madrid, où je n'avais que faire, et où je suis resté malgré mon ennui. Mais je m'imaginais que Madeleine était heureuse, tranquille, choyée, aimée, c'est-à-dire consolée, et je ne parlais pas de revenir à Paris. Au lieu de la consoler, vous avez voulu la marier. Nous avons voulu assurer son avenir, comme c'était notre devoir. Et le mien, vous l'avez oublié ? Ma mère et toi, vous saviez quelles étaient mes intentions à l'égard de Madeleine, quels étaient mes sentiments. Parlant ainsi, il avait fait un pas en arrière du côté de la porte. Où vas-tu ? Chercher Madeleine. Je t'ai dit qu'elle ne rentrerait jamais dans cette maison. Ce n'est pas pour qu'elle rentre dans cette maison que je dois la chercher et la trouver. Léon ! Mais il était arrivé à la porte. Il l'ouvrit. Au revoir, mon père. À bientôt. Tu diras à ma mère que malgré tout, je l'embrasse tendrement. Et sans écouter la voix de son père, il sortit en refermant vivement la porte. De ce que son père lui avait dit, il résultait pour lui la probabilité que Madeleine était retournée à Rouen. Pourquoi eût-elle dit à son cocher de la conduire à la gare Saint-Lazare si elle n'avait pas voulu aller à Rouen? D'ailleurs, n'était-il pas raisonnable d'admettre que, quittant Paris, elle avait voulu se réfugier chez des amis de son père? On avait fait à Rouen des recherches qui n'avaient pas abouti. Cela ne prouvait pas que Madeleine ne fût pas à Rouen. On avait mal cherché, voilà tout. Il chercherait mieux. Et sans prendre de repos, il partit pour Rouen par le train express de 8 heures du matin. Il resta pendant plusieurs jours à Rouen, fréquentant tous les endroits où il pouvait la rencontrer et où naturellement il ne la rencontra pas. De guerre lasse, il se dit qu'elle s'était peut-être réfugiée à Saint-Aubin auprès de son père, et il partit pour Saint-Aubin. Mais personne ne l'avait vue. Elle n'avait pas paru au cimetière, et cela était bien certain. Ce n'est pas dans la mauvaise saison qu'une jeune femme élégante paraîtra dans un petit village sans qu'on la remarque, à plus forte raison quand, comme Madeleine, elle y est connue de tout le monde. Il revint à Rouen, puis, après quelques jours de recherche, il rentra à Paris, désolé et aussi plein d'inquiétude. Qu'était devenue Madeleine? Où le désespoir avait-il pu l'entraîner? Il continuerait ses recherches à Paris. Il les ferait poursuivre par des gens capables de les mener à bonne fin. Si grandes que fussent ses inquiétudes, il ne voulait pas cependant parler de Madeleine à son père ni à sa mère. Mais celle-ci vint lui en parler elle-même. « Tu n'as rien appris sur Madeleine ?» lui demanda-t-elle. Il secoua la tête par un geste désolé. « Je crois que tu aurais pu t'épargner ce voyage à Rouen. Comme toi, nous avons été inquiets pendant les premiers jours qui ont suivi le départ de Madeleine. Mais en raisonnant, nous avons compris que nous nous tourmentions à tort. Madeleine ne possède rien. Elle n'a même pas un métier aux mains. Dans ces conditions, pour qu'elle ait quitté une maison où elle était heureuse et où elle était aimée, il fallait qu'elle fût certaine d'en trouver une autre où elle serait, et plus heureuse, et plus aimée encore. » Léon, qui s'était assis, se leva si brusquement qu'il renversa sa chaise. Puis il s'avança vers sa mère, pâle et les lèvres tremblantes. Mais prêt à parler, il s'arrêta. Puis, après quelques secondes, qui parurent terriblement longues à Madame Haupois, il tourna vivement sur ses talons et sortit. On fut 15 jours sans le revoir, et pendant ces 15 jours, il n'écrivit pas à ses parents. Où était-il? Personne n'en savait rien. Quand il rentra, ni son père ni sa mère n'osèrent lui parler de son voyage. Et bien entendu, le nom de Madeleine ne fut plus prononcé.